Le vent racle les tôt, les murs vibrent doucement. Pauvre l'attention raille de ce qu'ils fixent leurs onces. Ils ont cru qu'on était faible, qu'on laisserait passer l'orage. Mais chaque balle qu'on encaisse est une dette qu'on va leur faire payer. Noter leurs erreurs, marquer leurs déplacements, observer leurs murs et trouver la faille dans leur fondation. Rail de skill, n'avance jamais sans savoir, chaque pas est un calcul. Chaque mouvement, une exécution. Personne d'autre.